Commentaire du Credo par saint Thomas d'Aquin, dans la traduction du latin au français d'un moine de Fontgombault, publié aux Nouvelles Éditions Latines en 1969. 13e et dernier point, commentaire de l'article 13, « Je crois à la vie éternelle, ainsi soit-il ». Il est très convenable que le symbole des vérités que nous devons croire se termine par ces mots « Je crois à la vie éternelle », puisqu'aussi bien la vie éternelle est la fin et le terme de tous nos désirs. Cela s'oppose à cette croyance à la vie éternelle qui disent que l'âme meurt en même temps que le corps. Si cela était vrai, la condition de l'homme serait la même que celle des bêtes. À ces hommes qui ne croient pas à la survie de l'âme, conviennent parfaitement ces paroles du psalmiste. L'homme, tandis qu'il était en honneur, ne l'a pas compris. Il a été comparé aux bêtes qui n'ont aucune raison, et il leur est devenu semblable. L'immortalité, en effet, rend l'âme humaine semblable à Dieu, mais ses facultés sensibles la font ressembler aux bêtes. Donc, lorsque quelqu'un croit que l'âme meurt avec le corps, il s'éloigne de la ressemblance de Dieu et devient semblable aux animaux. Il est du nombre de ceux dont il est dit au livre de la Sagesse « Ils n'ont pas cru qu'il y eût de récompense à espérer pour les justes, et ils n'ont fait nul état de la gloire qui est réservée aux âmes saintes. Car Dieu a créé l'homme immortel, il l'a fait pour être une image qui lui ressembla. » Il faut premièrement considérer dans cet article de foi quel genre de vie est la vie éternelle. Or, il convient de savoir qu'elle consiste en premier lieu dans l'union de l'homme avec Dieu. Dieu lui-même, en effet, est la récompense et la fin de tous nos labeurs. Comme il le dit un jour à Abraham, « Moi, le Seigneur, je suis ton protecteur et ta récompense infiniment grande. » Cette union de l'homme à Dieu consiste dans une parfaite vision. L'apôtre écrit en effet aux Corinthiens, « Nous ne voyons maintenant que comme en un miroir et en énigme, mais alors nous verrons Dieu face à face. » Cette union consiste également dans la louange la plus grande que l'homme puisse adresser à Dieu. Saint Augustin écrit au livre 22e de la Cité de Dieu que nous verrons, aimerons et louerons Dieu. Et Isaïe écrit au sujet de Sion ces paroles que l'on peut appliquer à la vie des élus au ciel. On y trouvera la joie et l'allégresse, les actions de grâce et des chants de louange. La vie éternelle consiste, en second lieu, dans le parfait rassasiement des désirs de l'homme. Chacun des bienheureux possédera au ciel, bien au-delà de ce qu'il aura désiré et espéré ici-bas. La raison en est que personne ne peut, dans cette vie, satisfaire pleinement ses désirs. Jamais aucune chose créée ne les comble. Dieu seul, en effet, peut les rassasier totalement, et même il les surpasse infiniment. C'est pourquoi l'homme ne trouve de repos qu'en Dieu. Conformément à ces paroles de saint Augustin, « Vous nous avez fait pour vous, Seigneur, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il se repose en vous. » Les saints dans la patrie posséderont Dieu parfaitement. Aussi leurs désirs seront-ils entièrement rassasiés, et leur gloire même surpassera toutes leurs aspirations. Le Seigneur dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et saint Augustin explique ainsi cette parole du Seigneur. « Toute la joie du Seigneur n'entrera pas dans ceux qui se réjouiront, mais eux entreront tout entiers dans la joie. » Ce qui fait dire au psalmiste « Je serai rassasié lorsqu'apparaîtra votre gloire. » Et ailleurs, « C'est le Seigneur qui remplit votre désir en vous comblant de bien. » Absolument tout ce qui est délectable se trouve surabondamment dans la vie éternelle. Recherche-t-on en effet les jouissances? Là, on goûtera les jouissances les plus parfaites, les délectations les plus hautes, parce qu'elles auront pour objet le souverain bien, c'est-à-dire Dieu. Nous lisons dans le livre de Job, « Alors tu mettras tes délices dans le Tout-Puissant. » Et le psalmiste dans sa prière dit à Dieu, « Des délices seront éternellement à votre droite. » Pareillement, si vous désirez les honneurs, là vous les posséderez tous. Les hommes, en effet, lorsqu'ils sont laïcs, aspirent principalement à être rois. Et s'ils sont clercs, ils souhaitent devenir évêques. Or, dans la vie éternelle, on possédera ces deux dignités. Tu as fait de nous deux rois et des prêtres pour notre Dieu. Et au livre de la sagesse, il est dit des justes après leur mort, les voilà élevés au rang des enfants de Dieu. De même, désirez-vous la science, là vous la posséderez avec la plus entière perfection. En effet, nous connaîtrons alors la nature de toute chose et toute vérité. Nous n'ignorerons rien de ce que nous voudrons savoir, et tout ce que nous voulons actuellement posséder, nous le posséderons au ciel avec cette vie éternelle. Salomon dit en effet, « Tous les biens me viendront avec la sagesse. » Et dans les Proverbes, nous lisons, « Les justes obtiendront ce qu'ils désirent. » En troisième lieu, la vie éternelle consiste dans une sécurité parfaite. Dans ce monde, en effet, il n'y a pas de parfaite sécurité, car plus on possède de richesses et plus on est élevé en dignité, plus on a de sujets de crainte. Plus aussi on éprouve de besoin. Mais dans la vie éternelle, il n'y aura ni tristesse, ni labeur, ni crainte. Ce que les proverbes en effet disent de celui qui écoute la sagesse, à savoir qu'il reposera en assurance et jouira d'une abondance de biens sans craindre aucun mal, se vérifiera alors en chacun des élus. En quatrième lieu, la vie éternelle consiste dans la société pleine de charme de tous les bienheureux. Les délices de cette société seront extrêmes. Chaque élu, en effet, possédera, avec les autres bienheureux, tous les biens. Car il aimera chacun des bienheureux comme lui-même. C'est pourquoi il se réjouira du bien des autres comme de son bien propre. Aussi, l'allégresse et la joie de tous les élus s'augmenteront-elles de la joie et de l'allégresse de chacun d'entre eux. Ô Sion, c'est une grande joie pour tous d'habiter en toi. Les biens dont nous venons de parler, les saints en jouiront dans la patrie céleste, et ils posséderont en outre beaucoup d'autres biens ineffables. Quant aux méchants, ils seront plongés dans une mort éternelle, et ils éprouveront une douleur et souffriront un châtiment qui ne seront pas moindres que la joie et la gloire réservées aux bons. Quatre causes concourent pour augmenter la peine des méchants. En premier lieu, le fait d'être séparé de Dieu et de tous les biens. Cette séparation constitue la peine du dan, qui répond à l'aversion que ces méchants ont pour Dieu. C'est une peine plus grande que la peine du sens. Du serviteur inutile, le Seigneur dit « Jetez-le dans les ténèbres extérieures ». Dans cette vie, en effet, ceux qui font le mal vivent dans des ténèbres intérieures, qui sont celles du péché. Mais alors, ils seront aussi plongés dans des ténèbres extérieures. En second lieu, le châtiment des méchants est augmenté par le remords de leur conscience. On peut leur appliquer ces paroles du psaume « Je vous reprendrai sévèrement, et je vous exposerai vous-même devant votre face. » Le livre de la sagesse nous dépeint les damnés poussant des gémissements dans le serrement de leur cœur. Ces regrets et ces gémissements, cependant, seront tout à fait inutiles, parce qu'ils procéderont non de la haine du mal, mais de la douleur du châtiment. En troisième lieu, la peine des damnés est augmentée par l'immensité du châtiment sensible auquel ils sont soumis, à savoir le feu de l'enfer qui torturera leur âme et leur corps. C'est là, comme disent les pères, le plus terrible de tous les châtiments physiques. Ces malheureux seront en quelque sorte toujours mourants. Cependant, ils ne seront jamais morts, et jamais la mort ne les frappera. C'est pourquoi on appelle ce châtiment la mort éternelle. Comme le mourant, en effet, souffre des peines terribles, il en est de même de ceux qui sont en enfer. Le psalmiste a dit « Ils ont été placés en enfer » comme des brebis, la mort les dévorera. En quatrième lieu, le châtiment des méchants est encore aggravé par le fait qu'ils n'ont pas la moindre espérance d'être délivrés de leurs tourments. Si en effet ils nourrissaient cet espoir, leur peine en serait adoucie. Mais comme toute espérance leur est interdite, leurs souffrances, par le fait même, sont les plus terribles qui soient. Comme le dit Isaïe, leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas. Ainsi paraît avec évidence la différence entre les bonnes et les mauvaises actions. Les premières nous mènent à la vie et les secondes à la mort. C'est pourquoi les hommes devraient fréquemment se remettre en mémoire ces vérités. Ils seraient par là excités à faire le bien et à se détourner du mal. C'est pour que cette vérité se grave toujours plus profondément dans notre mémoire qu'il est expressément dit à la fin du credo « Je crois à la vie éternelle ». À cette vie éternelle que nous conduise notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu béni dans les siècles des siècles, ainsi soit-il.